tous foutus. Contre moi, ils luttent, mais font que de chuter. Dépressifs, suicidaires, à ce qu'ils veulent se buter. Impossible d'être comme moi, car je suis l'impossible. Impossible d'être comme toi, car toi t'es horrible. C'est la seule qui tire et qui te fait pleurer. Tu penses qu'à te faire du rap, t'es écœuré. Yeah, on est allé partout. Quand on passe, toi tu traces parce qu'on glace tout. On a blasté ton crew. Tu crois pas qu'on t'a boire, tu peux toujours nous test. On est allé partout. Quand on passe, toi tu traces parce qu'on glace tout. On a blasté ton crew. Tu crois pas qu'on t'a boire, tu peux toujours nous test. Plus rien à perdre dans ce beat si ce n'est ma voix. C'est vrai que de l'argent, comme tout le monde, j'aime en avoir. J'irai pas jusqu'à Rodka, les défenses en ivoire. Ni dire à mes potes, pour du fric, allez vous faire voir. C'est BYSS, c'est même pas de me tester. Toi même c'est dans ma ville, je déteste. ST, AHX, Mianès et Dacris. Paradoxe, intouchable comme les balles de Matrix. Mat le truc, j'ai la trique quand je prends le mic. Tu deviens tout blanc comme la semelle de Ménac. Mais non, dites-moi pas que les balles traînent, font du hip-hop. C'est rien de bon à rien à foutre à la star pop. Hard top, l'été j'ai envie de me la péter. J'ai plein de potes pétés qui fonctionnent au péteux. Et te marginalise pas sur ton sort. Fais en sorte que quand tu sors, on t'assomme pas. On est allé partout. Quand on passe, toi tu traces parce qu'on glace tout. On a blasté ton crew. Tu crois pas qu'on t'a boire, tu peux toujours nous test. On est allé partout. Quand on passe, toi tu traces parce qu'on glace tout. On a blasté ton crew. Tu crois pas qu'on t'a boire, tu peux toujours nous test. Barge massacre à la tronçonneuse. Le flow te casse, te jette dans une bétonneuse. Des baskets en ciment, pour celui qui se la joue et qui ment. Car sache comme Mike, on ne teste pas impunément. Tout dit pour au micro, on est là pour te clasher. T'as beau jouer les shows, on finit par te casser. Avec la rage du pit et une poigne de fer. Les MC vaincus finissent marqués au fer. Pour assouvir notre victoire. Tout dit, monte les crocs, protège son territoire. Laid back, mais agressif est mon flow. Des phases incisives pour que tu comprennes mes mots. Et je suis lock-up, prisonnier de mes rimes. Le rap est en moi et je retranscris ses crimes. Mes pros t'électrisent et te scotchent sur place. Observe la maîtrise comme une claque dans ta face. On est allé partout. Quand on